Love, sentimental. J'attends qu'elle pleure, que la pluie confonde des larmes, mes yeux, quand tu parles de nous. Tu fais la gueule, tu t'imagines qu'un jour bas dans ma je mettrai à genoux. Mais ce n'est pas si simple, amour. On se le dit tous les jours, mais ce n'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas si simple, amour. On se le dit tous les jours sans forcément s'aimer. Sentimental. Sentimental. Pourquoi c'est si dur de baiser sans se faire de mal? Sentimental.